vitrine n'ont brillé rien qu'un fil, tu serais celui-là. Si oublié des dieux, j'échouais vers une île, tu serais celui-là. Si même l'inutile restait le seuil fragile, je franchirais le pas. Ce mal, je meurs de toi. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel. Il n'abritait plus l'éternel, non, je meurs de toi. Si les mots sont des traces, je marquerai ma peau de ce qu'on ne dit pas. Pour que rien ne t'efface, je garderai le mal s'il ne reste que ça. Et on aura beau me dire que rien ne valait rien, tout se riait à moi. À quoi peut me servir de trouver le destin s'il ne mène pas